Chapitre 9e, Miel de lune. Tard dans la nuit, enfin, Karim et Zara sont ensemble, pour la première fois dans l'intimité de leur chambre. Dans l'appartement, la mère et la sœur de Karim dorment depuis longtemps. Le silence est total, apaisant. À travers la fenêtre, aux vitres closes, filtre un rayon de lune où se mélangent harmonieusement le bleu et le blanc. La chambre en est baignée d'une douce lumière. Sous les jolis draps frais et parfumés du lit, les deux époux, allongés tout près l'un de l'autre, bavardent à voix basse. Ils se racontent comment ils ont enduré la phase durant laquelle ils avaient découvert leur amour réciproque sans pouvoir le confesser l'un à l'autre. Chacun d'eux avait très peur d'être victime d'illusions, d'un faux espoir, de prendre son désir pour la réalité. Les deux amoureux étaient victimes de l'atmosphère délétère dominante parmi les gens. Trop de méfiance réciproque, parce que trop de fausseté, trop d'hypocrisie, trop de mensonges, trop de trahison. Dès lors, comment croire aux sourires ou aux bonnes paroles? Pour Karim et Zara, cette première période de leur relation fut très éprouvante. Zara avoue. Jamais de ma vie, je n'ai connu de personne, homme ou femme, qui ne soit pas méchante, fausse, voulant profiter au détriment de moi. Pour les hommes, je n'étais qu'un objet de consommation sexuelle. Et pour les femmes, j'incarnais une dangereuse et haïssable concurrente à cause de mon physique agréable et de ma modestie. Cette dernière était considérée uniquement comme de la fausseté. Je connus seulement l'affection de ma mère, sans pouvoir lui confier mes souffrances. Comment lui avouer le viol par mon père alors que j'avais 14 ans? Ensuite, mon effroyable calvaire enduré à Annaba. Enfin, revenu au logis, comment lui avouer l'origine du salaire pour nourrir la famille? Pour moi, exister n'était rien d'autre qu'un combat cruel, où mes ennemis se permettaient tous les coups sans aucune pitié. Mon unique souci était de survivre. Elle s'interrompt un bref instant, puis continue. Voilà pourquoi, quand je t'ai connu, quand mes yeux ont rencontré les tiens pour la première fois à la boulangerie, je ne parvenais pas à y croire. J'avais constaté la bonté de ton regard, mais je me disais, « Fais attention, Zara, les hommes ne sont qu'un troupeau de loups affamés. Ne crois jamais aux anges, ils n'existent pas. Ce sont uniquement des démons masqués. » En même temps, je ne parvenais pas à t'oublier. C'était très dur. Je n'avais jamais affronté une situation aussi difficile, complexe, incertaine. Ah, combien de jours j'y ai pensé, et combien de nuits d'insomnie, l'esprit occupé par toi. Puis-je le croire? Puis-je le croire? Toujours cette question en moi. Heureusement que tu as eu avec moi de la patience, que tu as manifesté un comportement adéquat, exprimé les mots justes. La chienne toujours battue que j'étais, tu es parvenu à la convaincre qu'elle pouvait finalement avoir droit à des caresses de ta part. Finalement, le miracle se réalisa. Tu m'as convaincu que l'amour peut exister, tout au moins entre toi et moi. Oh, réplique Karim, très ému par les aveux de Zara. Moi aussi. Après le premier regard échangé entre nous à la boulangerie, que de tourments j'ai affrontés. Contrairement à toi, j'avais la chance de bénéficier de l'amour de mes parents. En même temps, je constatais chaque jour comment notre société était devenue une jungle. À tout moment, il faut être sur ses gardes, pour ne pas être victime d'une méchanceté, et d'abord venant des soi-disant amis. Et si pour l'homme, la femme n'est plus qu'un objet de consommation sexuelle, pour la femme, l'homme est devenu un simple compte en banque. Voilà le marchandage actuel, le corps féminin en échange de fric masculin, et comble de l'imposture, le tout enrobé de déclamations religieuses. Comment alors croire à l'amour? Enfin, je t'ai connu. Même avec toi, j'ai dû, comme toi, d'une autre façon et pour d'autres motifs, j'ai dû lutter pour me convaincre que toi, tu étais différente des autres, que tu incarnais l'exception à la règle, un ange en enfer, une brebis parmi des louves. En outre, ta beauté me plaisait tout en me causant une désagréable défiance. Comment, me disais-je, une jeune fille particulièrement jolie pourrait-elle ne pas utiliser ce don de nature comme hameçon pour embobiner l'imbécile qui mordra à l'appât? Ta pauvreté ajoutait à ma méfiance. N'est-ce pas mon salaire qui est visé, bien que pas énorme? J'avais déjà entendu une femme déclarer, toute satisfaite d'elle-même, « La valeur d'un homme est dans sa poche. Aussi, j'ai connu les longues nuits blanches avec toi qui tournoyaient dans ma tête, et des jours où tu étais encore présente dans mon esprit. J'avais une affreuse peur de me tromper sur le motif réel de ton intérêt pour moi. J'avais même peur de mes propres sentiments. Qu'est-ce que j'aime en elle? Son caractère ou uniquement son corps? Ajoute à cela que partout où je regardais, de la base au sommet de la hiérarchie sociale, je ne voyais que des gens obsédés par l'attrait des richesses et du sexe. Un marécage de dégoûtante pourriture. Cependant, je ne me suis jamais résigné. L'exemple des combattants passés animait mon espérance en des temps meilleurs. Les deux nouveaux époux parlent encore longtemps. Ils se vident de toutes les misères endurées et se nourrissent du bonheur enfin trouvé. C'est leur façon de s'initier, de jouir de leur prochaine fusion physique. Un joyeux chant retentit dans le silence. « C'est le coq de Sylaphide, » dit Karim, tout content. « Il a un coq ?» demande Zahra, toute surprise. « Avec une poule et des poussins, ainsi qu'un petit jardin sur son balcon. Je te les montrerai, et si tu es d'accord, nous imiterons Sylaphide. » « Décidément, » réplique Zahra avec plaisir, « notre Torah contient non seulement des misères, mais également des miracles. » Un deuxième chant du coq résonne. Alors, les toutes premières lueurs de l'aube apparaissent dans la petite chambre. Alors, les deux âmes se sont totalement l'une à l'autre révélées, livrées, comprises, appréciées et adoptées. Alors, les corps contenant ces deux âmes se fondent en une merveilleuse et enivrante union charnelle, bercée par la fusion ardente de deux cœurs et de deux esprits assoiffés d'amour.